السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Parmi les grandes adorations aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, ordonnées dans le livre d'Allah, le Coran ou le Karim, et mises en pratique par notre noble prophète et messager Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, cette grande adoration au sujet de laquelle de nombreux versets ont été révélés et de nombreux ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnés. Que ce soit dans l'encouragement, à sa mise en pratique, que ce soit dans son mérite, que ce soit dans son importance, très nombreux sont les textes. Quelle est donc cette adoration? C'est Ad-Dua. Et nous sommes dans une série de cours qui traite des provisions du serviteur afin d'acheminer vers son Seigneur, la demeure de l'au-delà, son paradis, son agrément. Et parmi les meilleures provisions qu'on puisse prendre, chers auditeurs, il y a Ad-Dua, il y a l'invocation. L'invocation est une adoration des plus importantes, aimée par Allah tabaraka wa ta'ala. Dans Surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ud'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Invoquez Allah en étant sincère dans la religion. Invoquez Allah en étant sincère dans la religion. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé Ad-Dua dinan. Allah a appelé l'invocation religion. Ça nous montre la grandeur de cette adoration. Ça nous montre l'importance de cette adoration. Tout comme il l'a appelé adoration. Dans Surat Ghafir, Allah nous dit « وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ » Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous exaucerai. Certes, ceux qui s'enorgueillissent face à mon adoration entreront en enfer, humiliés, rabaissés. » Allah a donc nommé Ad-Dua Ibad. Il a appelé l'invocation adoration. Et ce sens-là, on le trouve également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sunan al-Tirmidhi, ce hadith authentifié par l'Albani rahmatullahi alayhima, le hadith de An-Nu'man ibn Bashir. An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. Ce hadith qu'on mémorise tous, le hadith de Nu'man ibn Bashir رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم dit الدعاء هو العبادة. Ce hadith, on peut tous le mémoriser, l'enseigner à nos enfants. Il est très court, mais très riche en science. الدعاء هو العبادة. L'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, cela est l'adoration. Tout cela nous montre l'importance. Tout cela nous montre l'importance de cette adoration. L'importance de Ad-Dua. Il a même été affirmé que Ad-Dua était la meilleure des adorations. La meilleure des adorations. Dans le hadith de Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Afdalul ibadati ad-du'a. Afdalul ibada ad-du'a. Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala nous dit de ce hadith rapporté par Al-Hakim dans le Mustadrak qu'il est hassan. Qu'il est Hassan, il est bon. La meilleure des adorations est l'invocation. Ainsi, celui qui souhaite le bien pour sa propre personne, dans ce bas monde et l'au-delà, se doit d'étudier ce domaine, se doit d'étudier cette adoration, sa définition, comment la mettre en pratique, comment faire pour qu'elle soit exaucée, les choses à éviter lorsqu'on fait dua, les choses proscrites et interdites. Donc tout cela doit être étudié par le musulman, car il sait désormais que c'est la meilleure des adorations. Il sait que c'est Allah l'a appelé religion et l'a appelé adoration. Donc il lui accorde la plus haute importance. La plus haute importance, la plus grande considération. Et ce sujet-là, et du'a, est très très vaste. Nous allons mentionner quelques textes pour nous entraider dans le bien et avoir une grande motivation pour faire du'a, et particulièrement dans le mois de Ramadan. Car le mois de Ramadan est un mois de du'a. Des textes sont venus dans ce sens-là. Non seulement au moment de la rupture du jeûne, il y a l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Zahaba al-dhama wa btallat al-uruq wa thabat al-ajru insha Allah » Il y a également les textes qui nous montrent que dans la journée de Ramadan et dans le mois de Ramadan, c'est une bonne chose de faire dua. À titre d'exemple, dans Sourate al-Baqarah, dans les versets du jeûne, après les versets 180, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le dua entre les versets du jeûne. D'entre les versets du jeûne. « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ » Et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis proche. Je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Donc nous devons faire un dua dans la journée de Ramadan, au moment de rompre le jeûne, dans les nuits de Ramadan, et ainsi de suite. Ainsi le serviteur, en étudiant ces textes-là, en écoutant ces versets et ces hadiths, on espère en Allah Azza wa Jal qu'il nous facilite à l'invoquer régulièrement et plus souvent. Et plus souvent. Parmi ce qui nous montre le mérite de Ad-Dua, le fait que de très nombreux versets, de très nombreux ahadiths sont venus dans ce sujet-là. La personne qui ouvre le mushaf et qui lit Sourate al-Fatiha verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans la première sourate du Coran Ad-Dua, la plus grande dua. Et nous a montré dans Sourate al-Fatiha le comportement adopté lors de Ad-Dua. Et la condition la plus importante à avoir dans Ad-Dua. Tout comme le serviteur, en finissant la lecture du Coran dans Sourate al-Nas, verra qu'on a fini avec Ad-Dua dans Sourate al-Nas. Ainsi, le meilleur livre révélé sur le meilleur des prophètes envoyés dans le meilleur mois, durant le meilleur mois de l'année, a commencé par Ad-Dua et a fini par Ad-Dua. A commencé par Ad-Dua et a fini par Ad-Dua. Ceci nous montre quoi? Dans Sourate al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, le Seigneur des mondes. Ici, la personne fait les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ar-Rahim, le tout doux miséricordieux, le très miséricordieux. Il mentionne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa demande. Maliki yawmiddin, le maître du jour des comptes. ou de la rétribution. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Ici, la personne proclame le tawhid et la sincérité et se décharge de toute capacité à passer, à faire une bonne action, si ce n'est avec l'aide d'Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Après avoir fait les éloges d'Allah Azza wa Jal, après avoir pris l'amour d'Allah en disant Alhamdulillahi Rabbil Alameen, parce que c'est notre maître, c'est celui qui nous a tout donné. Donc ça remplit le cœur d'amour. Après avoir rempli le cœur d'espoir en disant Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Après avoir rempli le cœur de crainte en disant Malik Yawmiddin, en se rappelant le retour vers Allah dans l'au-delà après la mort, pour le jugement, pour les comptes. Après avoir proclamé la sincérité, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, à ce moment-là, on demande à Allah, Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous vers et sur le chemin droit. Guide-nous sur le chemin droit, enseigne-nous le bien et permets-nous de l'accomplir. C'est ça le chemin droit. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-ladhina an'amta alayhim. Sur le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, à savoir ceux qui ont pris la science bénéfique et utile et qui l'ont mise en pratique. Ce chemin droit, c'est l'islam, c'est le Coran, c'est la voie sur laquelle était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ihdina sirat al-mustaqim, c'est la plus grande dua. Tu demandes à Allah la guider. Tu demandes à Allah la guider. Ihdina sirat al-mustaqim, et celui qui emprunte le bon chemin, dans ce bas monde, Allah Azza wa Jalla lui facilitera le chemin As-Sirat dans l'au-delà. As-Sirat dans l'au-delà. Ghayr al-maghdubi alayhim. Non pas le chemin de ceux qui ont couru la colère, c'est-à-dire ceux qui ont eu la science et ne l'ont pas mise en pratique. Wala ad-dallin. Ni des égarés, ni le chemin des égarés. Ceux qui, étant dépourvus de connaissances et de science, se sont égarés. Ainsi, Suratul Fatiha, la sourate la plus importante, le pilier de la prière, la meilleure sourate qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à ceux qui l'ont précédé, comprend ad-du'a. Ainsi, le livre d'Allah, iftutiha bid-du'a wa ikhtutima bih. Le livre d'Allah a commencé avec ad-du'a et a fini avec ad-du'a. Et c'est l'invocation la plus importante, la guider. La guider. Tout comme à la fin du mushaf, tu vois la demande de protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre Ash-Shaytan et ses insufflations. Ash-Shaytan qui a pris l'engagement de tout faire pour nous égarer et de nous joindre à lui parmi les habitants de la fournaise. Dans Suratul A'raf, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Afwan al-Shaytan a pris l'engagement de nous venir de toutes parts pour nous égarer. D'au-dessus de nous, d'en dessous de nous, de notre droite, de notre gauche. وَلَا تَدِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Et tu trouveras là que la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Ainsi, le musulman doit accorder la plus haute importance à ad-du'a. Et celui qui médite le livre d'Allah, qui médite la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, verra que la voix des prophètes et messagers avant nous était ad-du'a, avec espoir et crainte. Et ceci nous montre encore un bienfait ou un mérite de ad-du'a. C'est que c'était l'adoration des gens pieux avant nous parmi les prophètes et les messagers. Dans Suratul Anbiya, les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné plusieurs prophètes et personnes vertueuses. Par la suite, il nous dit إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ. Ils étaient prompts dans les bonnes œuvres, ils se concurrençaient dans les bonnes œuvres, ils allaient rapidement vers les bonnes œuvres, et ils nous invoquaient, ils faisaient dua, ils nous invoquaient avec désir et crainte. avec désir et crainte. Wakanu lana khashi'in, ils étaient envers nous pleins d'humilité. Ils étaient envers nous pleins d'humilité. Voici la voix des prophètes. Voici la voix des messagers. Voici la voix des gens vertueux. Ad-du'a. Ad-du'a. Également, dans Surat al-Sajda, Allah Azza wa Jal nous mentionne cette caractéristique, cette qualité des gens pieux. Des gens qui se lèvent la nuit pour adorer Allah, pour prier. Et parmi leurs œuvres, il y a Ad-du'a, avec crainte et espoir. Tatajafa junubuhum anil madadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ils arrachent leurs flancs de leur lit, ou leurs flancs s'arrachent de leur lit, et ils nous invoquent, et où ils invoquent leur Seigneur avec crainte et espoir. Avec crainte et espoir. Et c'est la compagnie qui a été choisie par Allah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la compagnie de ceux qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala le matin et le soir, recherchant à travers cela que sa face, agissant qu'avec sincérité. Allah nous dit dans Sourate Al-Kahf, « وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ » Endure, yani reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et le soir, recherchant à travers cela sa face. Allah subhanahu wa ta'ala a donc fait les éloges de ses prophètes par cette caractéristique, a fait les éloges des vertueux par cette caractéristique. Celui donc qui veut suivre leurs pas, celui donc qui veut suivre leurs pas, se doit d'être un serviteur et une servante qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala souvent. Et Allah tabaraka wa ta'ala a promis à celui qui l'invoquera de lui répondre. وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Invoquez-moi, je vous répondrai. Allah subhanahu wa ta'ala ne déçoit jamais celui qui se dirige vers lui. Il n'abandonne jamais celui qui abandonne son affaire auprès de lui. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mon serviteur te questionne à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me demande. Et lorsque Ibrahim alayhi salam a fait dua, lorsqu'Ibrahim alayhi salam dans Sourate Ibrahim a fait dua, il a conclu en disant Inna Rabbi, ou plutôt il a mentionné dans son tawassul, comme cause pour qu'Allah l'exauce, Inna Rabbi Sami'u Dua. Certes, mon Seigneur entend les invocations, dans le sens exauce. Huna Sam'u Ijaba, exauce les invocations. Le serviteur qui entend ces textes doit trouver grande motivation et désir désormais à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une invocation qui ne requiert aucune dépense, aucun effort. Mais la paresse du fils de Adam, et l'ignorance devant les grands bienfaits qu'il y a à travers cette adoration peuvent le faire de lui un serviteur distrait. Wa na'udhu billahi min al-ghafla. Et auprès d'Allah, nous cherchons protection contre le fait d'être insouciant. Oh combien il est beau que le serviteur se mette en aparté à quelques heures du jour ou de la nuit et se dirige sincèrement vers son Seigneur dans toutes ses demandes. Il lui demande tout ce qu'il souhaite de ce bas monde et de l'au-delà. Et il lui demande aussi protection contre tout ce qu'il redoute dans ce bas monde et dans l'au-delà. Voici une adoration qui est aimée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous l'ordonne dans le Coran. Et il nous montre le comportement adopté lors de Ad-Dua. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-A'raf, Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufiya, innahu la yuhibbu al-mu'tadin, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Invoquez votre Seigneur. Invoquez votre Seigneur avec supplication et sans élever la voix ou bien en secret. Certes, il n'aime pas les transgresseurs et ne se met pas le désordre sur la terre après qu'elle fut réformée. Et invoquez-le avec crainte et espoir. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Ceux qui sont bienfaisants dans l'adoration, ceux qui sont bienfaisants dans le dua, la miséricorde d'Allah est proche d'eux, ceux qui ont le bon comportement lors de dua, ceux qui font dua avec le comportement légiféré. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala aime lorsqu'on fait dua, qu'on répète nos demandes, aime qu'on s'humilie à lui, aime qu'on lui demande beaucoup, aime qu'on répète nos demandes. Aime qu'on ait le cœur rempli d'espoir, de crainte et d'amour lors de la demande. Tout comme ce verset nous le montre. Et celui qui regarde dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, verra que sa vie au quotidien était remplie de dua et de demandes. Lorsqu'il se réveillait, il faisait dua. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui nous a fait vivre après nous avoir fait mourir, et vers lui se fera le retour. Lorsqu'il allait se coucher, Bismikallahumma amut wa ahya, c'est en ton nom Allah que je meurs et je vis. Dans toutes ces situations, il faisait dua. Lorsqu'il sortait de chez lui, il faisait dua. Lorsqu'il entra à la mosquée, il faisait dua. Lorsqu'il sortait de la mosquée, il faisait dua. Subhanallah. Même avant d'approcher son épouse, il faisait dua. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a su que c'était la meilleure adoration. Il l'a donc pratiquée au plus haut point de la meilleure des façons. Et ceci nous montre l'importance et le mérite de dua. Et celui qui lit le Coran verra des prophètes qu'il faisait ad-dua. Qu'il faisait ad-du'a. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allah aime qu'on lui demande. Allah aime qu'on lui demande. Le fils de Adam, lorsque tu lui demandes et que tu es insistant, il n'aime pas cela. Allah Azza wa Jal, lorsque tu lui demandes avec détermination, en montrant ton besoin, en abandonnant ton affaire avec à lui, Allah Azza wa Jal aime cela. Et si tu ne le fais pas, il se met en colère. Subhanallah. Parce qu'il est le riche et le généreux. Il est ton maître et toi le servant besogneux. Dans le hadith, rapporté par l'imam Tirmidhi ibn Majah, et rendu bon par Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Man lam yad'u Allah, yardab alayhi. Man lam yad'u Allah, yardab alayhi. Celui qui n'invoque pas Allah, il se met en colère contre lui. Allahu Akbar. Man lam yas'al Allah yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Allah, Allah se met en colère contre lui. Allahu Akbar. Méditons ce hadith pour arriver au résultat que ad-du'a est une des adorations les plus aimées chez Allah subhanahu wa ta'ala. Méditons ce hadith pour voir le mérite de ad-du'a. Allah subhanahu wa ta'ala aime écouter de toi, ô toi le serviteur, ô toi la servante. Aime entendre tes demandes, aime entendre ton besoin. Aime que tu reconnaisses qu'Allah est ton maître et que ton besoin n'est qu'auprès de lui. Et qu'il est généreux et qu'il est riche et qu'il peut tout te donner. Subhanahu wa ta'ala. Et comme a bien dit l'ancien, Allahu yaghdabu in tarakta su'lahu. وَبُنَيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ. Allah se met en colère si tu délaisses sa demande. Et le fils de Adam, c'est lorsque tu lui demandes qu'il se mette en colère. Subhanallah. Et regardez comment Allah Azza wa Jal préserve de l'orgueil celui qui le demande régulièrement. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Certes, ceux qui s'enorgueillissent face à mon invocation ou face à mon adoration, parce qu'on a appelé ici la dua adoration, ceux qui s'enorgueillissent face à ou devant mon adoration, c'est-à-dire mon invocation, entreront en enfer humiliés. Ainsi, celui qui ne demande pas Allah est orgueilleux. Et celui qui fait dua régulièrement, Allah Azza wa Jal le préserve de l'orgueil. Allah Azza wa Jal le préserve de l'orgueil. Et dans le hadith Qudusi, le hadith rapporté par Abu Dharr dans Sahih Muslim, regardez comment Allah Azza wa Jal nous encourage à lui demander. Et comment il nous fait aimer le fait de lui demander. Subhanallah. Comment il anoblit le serviteur qui lui demande. Dans le hadith, Ya ibadi, kullukum dallun illa man hadaytu, fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtu, fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasawtu, fastaksuni aksukum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a. Fastaghfiruni aghfir lakum. Ô vous mes serviteurs. Remarquez comment Allah Azza wa Jal nous appelle. Ô vous mes serviteurs. Cette annexion est pour établir la noblesse de cette personne-là. Tu es le serviteur de qui? Tu es le serviteur, la servante de qui? D'Allah, le maître des mondes, le seigneur des mondes, des cieux et de la terre. Le riche, le fort, le puissant, le généreux. L'affectueux, subhanahu wa ta'ala. Al-barr rahim, al-wadud, al-ra'ouf. Al-malik, al-haq, al-mubin. Al-matin, le fort, le généreux, le grand pardonneur. L'accueillant repentir. Allah Azza wa Jal te fait mention de cela. Ya ibadi, ô vous, mes serviteurs. C'est pour t'anoblir qu'on fait cela. On te fait aimer le fait de rentrer dans cette adoration. Vous êtes tous égarés, sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Tu demandes la guider à Allah. Allahumma ihdina, Allahumma ihdini. Ya Rabb, ihdini. Tu dis, ô mon Seigneur, guide-moi. Demande à Allah, réponds à l'appel d'Allah. Et réponds à l'appel d'Allah dans ce hadith. Deuxièmement, kullukum ja'i'a. Vous êtes tous affamés, sauf celui que j'ai nourri. Demandez-moi donc de vous nourrir, je vous nourrirai. Rabbi at'imni. Rabbi inni ja'i'a, fa'at'imni. Ya ghani, ya Rabb, ya Karim, ya Barr, ya Rahim. Demande à Allah, ô Allah, nourris-moi. Ô toi le riche, nourris-moi. Ô toi le riche, nourris-moi. Moi je suis besogneux, je suis pauvre. Troisièmement, ô vous mes serviteurs, vous êtes tous nus. Demandez-moi donc de vous vêtir, je vous vêtirai. Tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il t'habille, qu'il te couvre. Quatrièmement, vous commettez des fautes de jour comme de nuit, des péchés. Je suis celui qui pardonne l'ensemble des péchés. Demandez-moi donc de vous pardonner, je vous pardonnerai. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala se fait aimer de ses serviteurs et il n'a pas besoin d'eux. Ses serviteurs s'éloignent de lui alors qu'ils commettent des fautes et ils sont dans le besoin de lui, ils ne peuvent se passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Dans l'autre hadith Qudusi, toujours dans lequel il est musulman, avant cela, finissons de ce hadith. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa sa'aluni fa a'taytu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusu al-khaytu idha udkhila ou al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Ô vous mes serviteurs, si du premier d'entre vous au dernier d'entre vous, l'ensemble des humains et l'ensemble des djinns se tenaient sur une seule et même place et me demandaient, et que chacun me demandait tout ce qu'il souhaitait, tout ce qu'il souhaitait ou souhaiterait, et que j'accorderais à chacun sa demande, cela ne diminuerait en rien de ce que je possède. Si ce n'est comme diminue l'aiguille de l'eau de la mer lorsqu'on l'y trempe. C'est-à-dire rien du tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Donc tout cela pour nous faire envie de faire dua et nous montrer la richesse d'Allah et que ses dons ne diminuent en rien et qu'on peut tout lui demander subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ce hadith dans le Bukhari et Muslim. Yaminullahi mal'a la yaghidha nafaqatun sahha'u al-layli al-layla wan-nahar. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. Le prophète عليه الصلاة والسلام nous dit, la main droite d'Allah est pleine, aucun don ne serait, يعني là, ne serait diminué de ce qu'il a. Il donne avec largesse de jour comme de nuit. Voyez-vous ce qu'Allah a dépensé? Voyez-vous ce qu'Allah a donné depuis qu'il a créé les cieux et la terre? Cela n'a rien diminué de ce qu'il a dans sa main droite. Allahu Akbar. Comme a dit Allah dans Sourate An-Nahl, « Ma indakum yanfad » ce qui est auprès de vous et vous va disparaître. « Wa ma indallahi baq » et ce qui est auprès d'Allah reste. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il veut donner, il n'a qu'à dire soit et la chose est. Innama amru idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Son ordre lorsqu'il veut une chose n'est que de dire soit et elle est. Comment après tout cela le serviteur pourrait s'enorgueillir devant la demande? Comment est-ce qu'après tout cela le serviteur ne pourrait pas voir l'importance de dua? On a besoin d'Allah Azza wa Jalla. On a besoin d'Allah pour la guider. On a besoin d'Allah pour manger et boire. On a besoin d'Allah pour se couvrir, pour le logement. On a besoin d'Allah pour le pardon, pour nos fautes. On a besoin d'Allah pour entrer au paradis. On a besoin d'Allah chaque instant. On a besoin d'Allah Azza wa Jal pour être heureux. On a besoin d'Allah pour dissiper les soucis, les tristesses, les malheurs et l'affliction. On a besoin d'Allah dans l'éducation, dans la nôtre, puis celle de nos proches et de nos enfants. On a besoin d'Allah Azza wa Jal pour la guérison. On a besoin d'Allah Azza wa Jal à chaque instant. On ne peut se passer de lui, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une recommandation à la femme qu'il aimait le plus, Aïcha, radiallahu anha, la personne qu'il aimait le plus, Aïcha, radiallahu anha. Dans le recueil de l'imam Ahmed, dans le musnad de l'imam Ahmed, dans le recueil d'Ibn Majah et autres, on a ce hadith renfermant cette grande recommandation faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aïcha radiallahu anha. Cheikh Al-Albani nous dit que ce hadith est authentique. Rahimahumullah. Ya Aïcha, ô Aïcha, alayki bil kawamil min ad-du'a. Prends soin des invocations, prends soin de l'invocation qui comporte la perfection, qui réunissent beaucoup de sens. Qui réunit beaucoup de sens. Parce que dans une autre version, عَلَيْكِ بِجَوَامِ عِدْدُعَا. Prends soin de prononcer l'invocation qui réunit beaucoup de sens essentiels. Allahumma inni as'aluka min al-khayri kulli عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. Ce qui signifie, ô Allah, je te demande le bien dans son entièreté. Je te demande le bien, je te demande du bien dans son entièreté, tout le bien. Celui que tu hâtes et celui que tu retardes, ou bien pour mon bas monde et pour mon au-delà, maintenant et plus tard. Ce que tu as su, ou plutôt ce que j'ai su moi et ce que je n'ai pas su. Tu demandes à Allah le bien que tu connais, la santé, le paradis, mais tu lui demandes aussi ce que tu ignores, car Allah sait et nous ne savons pas. Puis, et je cherche protection près de toi contre le mal dans son entièreté. Celui qui est présent et celui qui est plus tard, celui qui est à venir. Ce que j'ai su et ce que j'ignore. Celui qui fait cette dua aura demandé à Allah Azza wa Jal tout ce qui est bon pour lui. Et aura cherché refuge auprès d'Allah contre tout ce qui est mauvais pour lui. Je répète. Allahumma inni as'aluka min al-khayri kulli, ajilihi wa ajilihi, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udhu bika min ash-sharri kulli, ajilihi wa ajilihi, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Et dans la prière, ou plutôt dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, et ce hadith dans Sahih Muslim, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. واجعل لي الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. Proche de ce sens-là, un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah azza wa jal de lui réformer sa religion par laquelle il sera préservé dans toutes choses. Et il demandait à Allah azza wa jal de le préserver dans son bas monde. Car c'est là qu'il vit. Et il demande à Allah Azza wa Jal de lui préserver son au-delà. Car c'est là-bas que se fera son retour. Et il demande à Allah Azza wa Jal de faire de sa vie un ajout dans tout le bien. Et de sa mort un repos devant tout le mal, face à tout le mal. Ô combien le serviteur a besoin de demander à Allah Azza wa Jal ses besoins dans ce bas monde, pour ce bas monde, pour l'au-delà. Pour sa dunya, pour sa religion, et ainsi de suite. Le prophète alayhi salatu wa salam était la meilleure créature la plus complète. Pourtant, voyez comment est-ce qu'il déposait ses besoins là. Comment est-ce qu'il déposait ses besoins auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ce qui nous montre le mérite de la dua, c'est que c'est la chose la plus noble chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi ibn Majah et autres, et Cheikh Al-Albani dit que ce hadith est Hassan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Laysa shay'un akrama inda Allahi min ad-du'a » Allahu Akbar. « Laysa shay'un akrama inda Allahi min ad-du'a » Il n'y a pas une chose plus noble chez Allah que ad-du'a. Il n'y a pas une chose plus noble chez Allah que ad-du'a. Ce hadith est suffisant comme motivation pour faire beaucoup ad-du'a. Si on écoute comme il se doit, ce hadith, on le médite avec un cœur vivant. Je répète, « Laysa shay'un akrama inda Allahi min ad-du'a » Il n'y a pas de chose plus noble auprès d'Allah que ad-du'a. Cela apparaît clairement à chaque personne que ad-du'a est la chose la plus importante, la plus noble. Et la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala, la chose qu'Allah aime entendre de son serviteur. Parmi ce qui nous montre le mérite de dua, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, authentifiée par Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dans Madha, Al-Adab al-Mufrad al-Bukhari l'a également mentionné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « A'jazu an-nasi man 'ajaza 'ani ad-du'a » Les gens les plus incapables sont ceux qui ont été incapables de faire ad-du'a. Allahu Akbar. Celui qui n'invoque pas Allah, celui qui ne demande pas Allah, c'est vraiment la personne qui est incapable, qui est faible et n'arrive à rien. Parce que cette adoration ne requiert rien de notre part. Ni dépense, ni déplacement, ni effort. Subhanallah. La personne peut invoquer en marchant, peut invoquer en étant assise, en étant allongée. Subhanallah. Dans chacune de tes situations, tu peux faire ad-du'a. Tu peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses les plus importantes, c'est les invocations après la prière du Fajr, avant le lever du soleil, et les invocations après la prière du Asr, avant le coucher du soleil. Ce qu'on appelle Adhkar al-Sabah wal-Masa, les invocations du matin et du soir. Du matin, c'est-à-dire avant le lever du soleil, et du soir, c'est-à-dire avant son coucher. Avant son coucher. Donc la personne prend soin de prononcer ses invocations. Prend soin de prononcer ces invocations, les invocations du matin, les invocations du soir. Jazakumullahu khayran. Prenez soin de les prononcer pour vous-même. Enjoignez cela aux femmes, aux enfants, aux frères, aux sœurs, aux parents. Wa kadha barakallahu fikum, afin que le bien se propage, yani chez les nôtres, chez les vôtres, et ainsi de suite. Barakallahu fikum. Aussi, il y a les invocations au réveil et au coucher. Les invocations au réveil et au coucher. Ceci a la plus haute importance. Quelle journée pensez-vous que le serviteur qui s'est couché avec Ad-Dua, qui s'est réveillé avec Ad-Dua, qui a fait Dua après le Fajr, qui fait Dua avant le Maghrib, quelle journée pensez-vous qu'il va passer? Sans aucun doute, Allah subhanahu wa ta'ala va lui bénir les instants de sa matinée, de son après-midi, de sa soirée, et ainsi de suite. La demeure dans laquelle chaque membre de la famille fait dua sera la demeure de la joie, la demeure du bonheur. Et chaque épreuve qui viendra dans ce foyer ne sera que pour l'expiation des fautes, l'effacement des péchés, l'élévation en degré et l'épreuve. Barakallahu fikum. Ad-du'a, c'est donc le fait de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander ce que yani les biens de ce bas monde et l'au-delà, et lui demander la préservation contre le mal de ce bas monde et de l'au-delà. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, tarahim Allah ta'ala, définit l'invocation en disant wa talabu ma yanfa'u ad-da'i wa talabu kashfi ma yadurru aw daf'i. Ad-du'a wa talabu ma yanfa'u ad-da'i, c'est le fait de demander ce qui est profitable pour celui qui invoque. Wa talabu kashfi ma yadurru, et le fait de demander, c'est-à-dire à Allah, de dissiper ce qui nous nuit, d'enlever le mal dans lequel nous sommes, ou de repousser un mal à venir. Donc soit la personne est dans le problème, elle demande à Allah d'ôter de lui ce problème, soit elle craint un problème à venir, elle demande à Allah de le repousser afin qu'il n'en soit pas touché. Donc cette définition comprend toutes les formes d'invocation, qu'il demande pour sa religion ou pour son bas monde, qu'il demande pour ce bas monde-là ou pour l'au-delà, qu'il demande le bien ou la protection contre un mal, qu'il soit dans le problème ou qu'il redoute un problème à venir. Tout cela entre dans Ad-du'a. Tout cela entre dans Ad-du'a. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, comme dans le hadith d'Abdullah ibn Omar, عند al-Hakim, rendu jugé bon par Al-Albani rahimahumullah, Ad-du'a ou yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Le prophète sallallahu alayhi wa salam nous dit, Ad-du'a est profitable, est utile pour ce qui est déjà descendu et pour ce qui n'est pas encore descendu. Si c'est déjà descendu sur toi, tu demandes à Allah de l'enlever. Et si ça n'est pas encore arrivé, tu demandes à Allah de le repousser. Pour tout cela, ad-du'a, c'est profitable. Pour tout cela, ad-du'a, c'est profitable. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, la yaruddu al-qadara illa ad-du'a. Et Muhammad ibn Majah et autres rapportent, et ça a été rendu bon par, jugé bon par Al-Albani, rahimahullah, rien ne repousse le destin ou le décret si ce n'est ad-du'a. C'est-à-dire que lorsque tu feras dua, c'est qu'Allah Azza wa Jal t'a écrit cela, c'est décrété. Ben, par cette invocation, Allah Azzawajal va repousser de toi une chose. Allah a décrété que telle et telle chose te touche. Quand tu vas faire dua, c'est une chose également qui t'a été décrétée, cette dua-là. Ben, par cette dua-là, Allah va repousser de toi le problème. Va repousser de toi le problème. Beaucoup ne comprennent pas ce hadith. Ils disent, mais il y a un hadith qui dit rien ne repousse le destin si ce n'est ad-dua. Mais est-ce qu'on peut repousser le destin? Oui, par le destin lui-même. Telle chose t'a été destinée et Allah va décréter que tu fasses dua et ça fait partie aussi du destin pour repousser de toi ce problème-là. Donc c'est le destin qui a repoussé le destin. C'est le destin qui a repoussé le destin parce que dua, c'est une cause pour enlever le mal ou le repousser. Et cette chose-là t'a été écrite par Allah Azza wa Jal. Et parmi les invocations les plus simples à mémoriser, une invocation du Coran, et c'est une invocation que le Prophète faisait le plus, c'est Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Je répète, bien que la majeure partie la mémorise, mais ça peut aider certaines personnes à mémoriser. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ce qui signifie, ô notre Seigneur, accorde-nous dans ce bas monde du bien, dans l'au-delà du bien, et prémunis-nous, protège-nous du châtiment de l'enfer. Du châtiment de l'enfer. Ça, c'est une invocation que faisait très, très, très souvent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il était dans le tawaf, arrivé au coin yéménite, il disait cette invocation. Ça nous montre son importance. Ça nous montre son importance. Et lorsque tu crains une chose, la protection est auprès d'Allah Azza wa Jal. Même la colère d'Allah, tu peux en être protégé en allant vers lui, vers son agrément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait par exemple, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik. Ô Allah, je cherche protection auprès de ton agrément contre ta colère. Contre ta colère. Celui qui est malade, le remède est auprès d'Allah. Celui qui guérit, c'est Allah. Allah, c'est Ash-Shafi, subhanahu wa ta'ala. Dans le Bukhari Muslim, lorsque le Prophète sallam visitait un malade, ou lorsqu'on lui amenait un malade, il disait, Allahumma rabban nas, adhib il ba's, ishfihi anta Ash-Shafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yugadiru saqama. Ô Allah, Seigneur des gens, dissipe le mal et soigne-le. C'est toi seul qui es le guérisseur. Il n'y a de guérison si ce n'est ta guérison. On espère de toi une guérison après laquelle il n'y aura pas de maladie. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, enseignait aux gens comment demander à Allah Azza wa Jalla la guérison. Tu n'as pas besoin d'aller voir un raqi, tu n'as pas besoin d'appeler l'imam et lui dire « fais dua pour moi » et ainsi de suite. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire entre toi et Allah dans la demande. Certes, c'est permis de demander aux gens, une personne qu'on pense être pieuse, « fais dua pour moi ». Surtout que l'ange, lorsqu'il fera dua pour toi, lui dira « walaka bimithl », tu auras la même chose. Mais il ne faut pas prendre cette habitude de descendre son besoin auprès des gens. Il faut prendre l'habitude de donner de se diriger uniquement vers Allah subhanahu wa ta'ala pour l'ensemble de nos besoins. Regardez l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam. Uthman ibn Abi al-As avait une douleur. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam lui a enseigné. Il lui a dit « Dha'yadak ala alladhi Ya'lamu min jasadik. Il lui a dit, mets ta main à l'endroit où tu as mal sur ton corps. Wa qul thalatha marrat. Et dis trois fois, bismillah. Dis trois fois bismillah. Thumma qul sab'a marrat. Puis dis sept fois. A'udhu bi'izzatillah. Wa qudratihi. Min sharri ma ajidu wa uhadhir. Dis cela sept fois. Celui qui dit ça, Allah Azza wa Jalla le guérit et dissipe son mal. Ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullahu ta'ala. Donc, quel que soit ton besoin, sache que le remède est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne dis pas, je vais tester la demande, je vais voir, je vais essayer. Non, demande avec la certitude qu'Allah va te répondre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. » وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ قَلْبٍ لَا L'imam al-Tirmidhi nous rapporte ce hadith, jugé bon par Al-Albani rahmatullahi alayhim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Invoquez Allah en ayant la certitude quant à la réponse. » Et sachez qu'Allah n'exauce pas la personne qui demande avec un cœur distrait. Il faut avoir un cœur présent. Il faut avoir la certitude. Il faut avoir la certitude, il faut être déterminé, il faut avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il va nous répondre. Rappelle-toi ce verset, « Amman yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu al-su' » Qui est-ce qui répond à la personne qui est dans la difficulté et qui dissipe l'affliction? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dirige-toi vers lui, seul, sans associé. Dirige-toi vers lui, seul, sans associé. Ne te dirige pas vers les créatures. Abandonne toute ton affaire à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et sache que lorsque tu lui demandes, il t'entend, il te répond. Et c'est le riche, celui qui donne avec largesse, subhanahu wa ta'ala. Avec cette dua, tu auras l'apaisement au quotidien. Avec cette dua, tu obtiendras ce que tu souhaites. Avec cette dua, tu retrouveras ce que tu as perdu. Avec cette dua, tu seras fort après avoir été faible. Tu seras riche après avoir été pauvre. Tu obtiendras la meilleure des compagnies après la solitude. Avec cette dua, tu obtiendras tout ce que tu souhaites dans ce bas monde et dans l'au-delà. Avec cette dua, tu seras préservé de la colère d'Allah. Avec cette dua, tu seras préservé de l'orgueil. Avec cette dua, tu concrétiseras le fait d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cette dua, tu ne seras plus jamais incapable. Avec cette dua, tu obtiendras tout ce que tu souhaites des choses de ce bas monde et des choses de l'au-delà. Avec cette dua, tu sortiras de toute difficulté. Avec cette dua, tu seras aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. On t'ouvrira les portes de la bénédiction. Avec cette dua, tu seras extrêmement utile pour tes parents. Ils seront élevés en degré au paradis. Ils diront, pourquoi avons-nous eu cela? On leur dira, parce que ton enfant a fait dua après ta mort. Parce que ton enfant a demandé pardon pour toi après ta mort. Subhanallah. Et regardez l'invocation des serviteurs du tout miséricordieux. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. À la fin de sourate al-Furqan, dans la description des serviteurs du tout miséricordieux. Ô notre Seigneur, accorde-nous en nos épouses et notre descendance la fraîcheur des yeux. C'est-à-dire le bienfait qui nous procure le plus grand réjouissement ou la plus grande réjouissance. La plus grande réjouissance de voir femmes et enfants et membres du foyer dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voici ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité comme rappel. Wallahu a'lam wa sallallahumma wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il y a un frère à nous qui a été éprouvé par un AVC ces jours-ci. On s'associe à sa famille dans la peine et la douleur. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur. J'entends par cela notre frère en Allah, Makram Abu Ilyas, qui a eu un AVC et a subi une lourde opération. Et il est actuellement en réanimation à l'hôpital. فَنَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَشْفِيَهُ وَيَجْبُرَ كَسْرَهُ إِنَّهُ رَحِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تقبل منا إنك أنت سميع الدعاء اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم إنا نعوذ بك من قهر الرجال وغلبة الدين اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك